Bonjour et bienvenue à La Connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. Mon nom est Mathieu Plante. Cette semaine à l'émission La Grosse Nouvelle, Mac OS ou Windows, Apple propose son bootloader. On va parler plus tard, mais en musique, voici Mimi Van Der Glo avec Vers de Terre sur CFOU 89.fm. Mimi Van Der Glo avec la pièce Vers de Terre sur le palmarès francophone de C'est Fou cette semaine. Maintenant, c'est l'heure de commencer le fil. Voici les nouvelles qui ont marqué le monde de l'informatique et des jeux vidéo cette semaine. Dans La Connexion, on parle technologie, informatique et jeux vidéo. Mon nom est Mathieu Plante, vous le savez. Donc, on commence par Yahoo qui pourrait se retrouver en cours pour avoir fourni des informations qui ont mené à la condamnation d'un journaliste chinois qui purge maintenant une peine de 10 ans de pénitencier. Shi Tao a été reconnu coupable l'an dernier d'avoir diffusé de l'information constituant, selon les autorités chinoises, un secret d'État. Tao a été arrêté pour avoir dévoilé sur le web un ordre du gouvernement interdisant aux médias du pays de souligner le 15e anniversaire des manifestations de la place Tiananmen. Le reporter de 37 ans continue de clamer qu'il est innocent, que l'ordre qu'il a diffusé ne constituait pas un secret d'État. Yahoo aurait fourni de l'information aux autorités chinoises permettant de prouver que Tao aurait envoyé de son poste de travail le courriel auquel l'ordre en question était joint. Le verdict rendu par la cour chinoise de Hunan, rendu public par un avocat pro-démocratie, fait état de la participation de Yahoo. La compagnie aurait validé les informations relatives à l'usager en donnant, entre autres, l'adresse IP de l'ordinateur de Tao, de même que son adresse et son numéro de téléphone au bureau. Donc, et je cite, « Nous croyons que ce qu'a fait Yahoo est illégal et nous prévoyons donc l'amener devant les tribunaux, que ce soit ici ou aux États-Unis », a dit Zhang Yu, l'avocat du journaliste emprisonné. Yu a par ailleurs déclaré avoir déposé une plainte formelle à la Hong Kong's Office of the Privacy Commission for Personal Data, qui est le chien de garde en matière de confidentialité, qui va enquêter sur l'affaire. La grosse nouvelle de la semaine cette semaine, le shell de Apple permet l'installation de Windows XP et le choix du système d'exploitation à charger lors du démarrage de Mac Intel. Lancé en version bêta publique mercredi, le logiciel Bootcamp d'Apple permet d'installer et d'exécuter nativement Windows XP sur les ordinateurs Mac basés sur un processeur d'Intel, par exemple les nouveaux Mac Mini ou le iMac. L'installation du Bootcamp, un téléchargement de 83 MB, donc tout petit, nécessite les dernières versions du système d'exploitation Mac OS X, donc la 10.4.6 qui est sortie très récemment, et du firmware. En outre, les propriétaires de Mac Intel vont devoir posséder la version complète, donc de Windows XP SP2 familial ou professionnel. Le logiciel Bootcamp crée une partition sur laquelle l'utilisateur pourra installer la dernière version du logiciel du système d'exploitation de Microsoft après un redémarrage. Lors des allumages subséquents, l'utilisateur pourra simplement presser une touche du clavier pour faire apparaître un gestionnaire de démarrage et choisir de charger soit Mac OS X ou Windows XP. Et je cite, « Apple n'a ni le désir ni le projet de vendre ou de faire du soutien technique pour Windows, mais de nombreux clients ont exprimé l'intérêt de pouvoir exécuter Windows sur le matériel informatique supérieur d'Apple, étant donné qu'on utilise maintenant des processeurs Intel. » C'est ce qu'a expliqué Philip Schiller de chez Apple. Dans son communiqué, Apple précise que la version définitive de Bootcamp sera incluse dans la prochaine version de son système d'exploitation, c'est-à-dire Mac OS X 10.5 Leopard. Très, très grosse nouvelle cette semaine. Et voilà. Lucent, la compagnie américaine Lucent Technologies, vient d'amorcer une poursuite judiciaire contre Microsoft à propos de la console Xbox 360, notamment à propos d'un brevet que Microsoft n'aurait pas respecté. Le brevet concerne l'encodage et le décodage numérique d'images. Lucent Technologies estime que Microsoft utilise consciemment sa technologie, transformant en image analogique un vidéo encodé numériquement en format MPEG-2 sans toutefois lui payer une redevance appropriée. Ce brevet date de juillet 1993. En 2003, la situation était totalement inversée, puisque c'est Microsoft qui poursuivait Lucent Technologies à propos de ce brevet. Microsoft jugeait que le document comportait une erreur typographique, une faute, et était donc inutilisable pour une future poursuite de Lucent Technologies advenant l'utilisation de cette technologie par Microsoft. La compagnie de Bill Gates avait gagné cette cause, mais Lucent Technologies a depuis corrigé l'erreur typographique et juge qu'elle a désormais droit de poursuivre le géant américain. Lucent Technologies ne réclame pas le retrait de la Xbox 360 sur le marché, une chance. La console est distribuée dans 15 pays depuis novembre 2005, mais elle cherche tout de même une compensation financière pour l'utilisation de son brevet par Microsoft. Parlant de Microsoft, Bill Gates, le président de Microsoft et l'homme le plus riche de la planète, vient de décrocher un rôle dans la série culte britannique Doctor Who pour un épisode qui serait diffusé sur les ondes de la BBC à la fin de 2006. Bill Gates, un amateur de la série, y jouerait son propre rôle. Son personnage serait kidnappé par des extraterrestres alors qu'il est en train de pêcher sur le lac Washington proche de Seattle. Le docteur, qui est joué par David Tennant, serait par la suite nommé par la Maison-Blanche pour le retrouver. Un site web de révélations ou de spoilers qu'on appelle sur cette série estime que le personnage de Bill Gates serait en fait lui-même un extraterrestre et qu'il aurait comme mission de contrôler la Terre grâce à une série de logiciels. Avec ce rôle dans Doctor Who, Bill Gates en serait à sa quatrième apparition télévisuelle après des petites apparitions dans des séries américaines comme Frasier, Cheers et The Simpsons. L'épisode serait diffusé sur la BBC le 31 novembre prochain. L'éditeur Trend Micro a indiqué que le PC personnel d'un de ses employés a été infecté par un virus et qu'à la suite de cette contamination, des documents internes se sont retrouvés dans un réseau d'échange de fichiers. Pour ceux qui n'ont pas compris jusque-là, Trend Micro est une compagnie d'antivirus et un de ses propres ordinateurs a été infecté par un virus. Trend Micro, un éditeur d'antivirus basé au Japon, a en effet déclaré à PC World que la fuite s'est produite après qu'un employé ait installé des fichiers provenant de la firme sur l'ordinateur de son domicile. Mais ce PC était infecté par un logiciel malveillant et les fichiers ont été transférés vers le réseau de Winnie, le logiciel d'échange de fichiers le plus populaire au Japon, selon l'article de PCWorld.com. Ces faits se sont produits il y a environ un an, mais viennent tout juste d'être rendus publics par la firme de sécurité informatique, qui précise qu'elle n'a pas tout de suite dévoilé l'existence de cette fuite un peu gênante, afin d'éviter que des utilisateurs de Winnie ne cherchent activement les documents libérés involontairement dans le réseau d'échange de fichiers. C'est normal, les fichiers, il fallait les chercher. Donc, si quelqu'un avait su qu'ils existaient, les gens les auraient peut-être cherchés. L'employé responsable de cette fuite, qui avait reçu, comme tous les autres, un exemplaire gratuit de l'antivirus Trend Micro, mais qui avait manifestement négligé de l'installer sur son PC à la maison, ne travaille plus pour l'éditeur japonais. Cependant, l'histoire ne dit pas s'il a perdu sa position à cause de cet événement ou s'il est parti de son plein gré. Dès cette semaine, les Américains vont pouvoir... On a parlé un petit peu de ça la semaine passée. Je trouvais que c'était une très, très bonne idée. Mais là, j'ai des nouveaux détails. Donc, dès cette semaine, les Américains vont pouvoir acheter et télécharger sur Internet des films qui sortent sur DVD. Grâce à des ententes avec plusieurs grands studios d'Hollywood comme MGM, Paramount, Sony Pictures, 20th Century Fox, Universal et Warner Brothers, MovieLink et Cinema Now, qui sont deux services de téléchargement de films, vont pouvoir commencer à vendre les nouveautés qui sortent sur DVD instantanément. Les internautes américains vont pouvoir télécharger et acheter, soit télécharger ou soit acheter et télécharger, les deux en même temps, des films tels que Brokeback Mountain, King Kong, Good Night and Good Luck, Walk the Line, Memoirs of a Geisha, Hustle and Flow et le dernier Harry Potter. Dans un communiqué, MovieLink précise que deux boutiques seront ainsi offertes, l'une pour louer les films et l'autre pour les acheter. Dans le cas des films achetés du service MovieLink, les internautes vont pouvoir évidemment stocker et consulter en permanence les fichiers vidéo, mais aussi les transférer en format WM, Windows Media, vers deux autres ordinateurs et même les graver. Avec un PC Windows Media Center, les clients peuvent aussi diriger la sortie vidéo vers un téléviseur. L'industrie américaine du cinéma travaillait depuis longtemps sur des technologies de téléchargement de films suffisamment sécuritaires pour que les nouveautés puissent être offertes sur Internet sans trop craindre le piratage. Donc évidemment, ça va être très très serré avec DRM, le Digital Rights Management, à n'en plus finir. Ça va être très très sécurisé. Donc faites pas les fous avec ça. Bell Canada propose le service Sympatico Haute Vitesse Nomade, un accès Internet utilisant un nouveau réseau national sans fil construit en collaboration avec Rogers. Le service Sympatico Haute Vitesse Nomade sera lancé dans une vingtaine de grandes villes canadiennes, notamment dans les régions de Montréal, de Québec et de Hull. Dans le cas de la métropole québécoise, la zone desservie couvre presque la totalité de la surface des îles de Montréal et de Laval et une bonne portion de la rive sud. Donc là, je veux pas commencer à avoir l'air d'une publicité, mais je vais quand même lire le reste de l'article sur Branchez-vous. L'avantage de ce service, c'est que les clients peuvent transporter avec eux leur connexion Internet. Pour accéder à Internet dans les régions desservies, il leur suffit de brancher le cordon d'alimentation du modem sans fil portable et de raccorder ce dernier à un ordinateur. Donc, c'est-à-dire tu branches le modem dans le mur et ensuite tu branches le modem dans ton ordinateur et ça fonctionne. Ce service d'accès à Internet est offert en deux saveurs. Une première présente un débit de 512 kilobits par seconde, la deuxième un téléchargement maximal de 3 mégabits par seconde. Les détails sont sur le communiqué de Bell que j'ai posté dans l'article de la connexion. C'est au cnx.cfou.ca, les lettres cnx.cfou.ca. Ces connexions sans fil haut débit utilisent le nouveau réseau d'Inukshuk. Basé sur la technologie WiMAX, ces services seraient fonctionnels dans un rayon de 5 km des tours d'émission. Les 793 milliardaires les plus riches du monde se partagent un peu plus de 2,6 milliards de dollars, c'est-à-dire 2,6 milliards de dollars. C'est la conclusion de l'étude du magazine Forbes publiée il y a quelques semaines. On avait déjà parlé un petit peu en bref de ça, mais dans ce classement annuel des personnalités les plus riches du monde, on retrouve des gens qui ont rapport avec les jeux vidéo et l'informatique. Donc, l'indétrônable Bill Gates, le fondateur de Microsoft, détient une fortune personnelle de 50 milliards de dollars. Les deux fondateurs de Google occupent également de très bonnes places, les 26e et 27e. Hiroshi Yamauchi, qui est arrière-petit-fils de Fusajiro Yamauchi, qui est le fondateur de la société Nintendo en 1889, et l'ex-président emblématique de Nintendo avant Satoru Iwata, est le 410e homme le plus riche du monde avec 1,9 milliard de dollars. Hajime Satomi, qui dirige présentement Sega Sammy Holdings, la fusion de Sega et Sammy, arrive quant à lui en 698e position avec 1,1 milliard de dollars. Mettons qu'on se plaint pas de ces gens-là. Alors maintenant, une annonce qui... tantôt, on a parlé de Windows et macOS, que Apple avait proposé son bootloader qui vous permet de partir votre ordinateur sur un de deux systèmes d'exploitation, soit Windows XP ou soit OS X. Donc, la nouvelle a été publiée le 1er avril. Donc, les gens pensaient au départ que c'était un poisson d'avril. Évidemment, c'était plutôt normal que les gens pensent ça. Mais donc, ça va être intégré en standard, comme je disais tantôt, dans Leopard. On a appris quelques nouvelles affaires aussi. Bootcamp va permettre de créer un CD d'installation qui va fournir les pilotes nécessaires pour autoriser le bon fonctionnement de Windows XP sur les Mac Intel. Bootcamp en version bêta va demander la configuration suivante, c'est-à-dire un Mac OS X Tiger 10.4.6, les derniers firmwares disponibles, 10 gigs d'espace libre, 10 gigs, oui, un ordinateur Mac avec processeur Intel, un CD vierge, une imprimante pour imprimer les instructions et un disque d'installation de Windows XP Service Pack 2. Les disques d'installation multiples et Windows Media Center ne seront pas supportés par le Bootcamp. L'ensemble de la procédure d'installation est disponible sur Internet au site web apple.com/macOSX/bootcamp, mais le lien va évidemment être dans l'article qui s'appelle Mac OS X ou Windows, Apple propose son bootloader. C'est sur le cnx.cifu.ca. Et on termine le bloc de nouvelles pour l'instant par Google. Oui, je termine par Google au lieu de commencer pour faire changement. Après 6 semaines d'examen des dossiers, ce sont finalement Google, le numéro 1 mondial des moteurs de recherche, et Earthlink, le fournisseur d'accès à Internet, qui remporte l'appel d'offres lancé par San Francisco pour mettre en place un réseau Wi-Fi à l'échelle de la ville de San Francisco. Earthlink devrait proposer un accès payant autour de $20 par mois, alors que Google fournira gratuitement l'accès à Internet et se rémunérera grâce à la publicité. On avait parlé un petit peu de ça la semaine dernière aussi. 6 sociétés avaient répondu à l'appel d'offres lancé en décembre dernier. Bien sûr, l'offre gratuite de Google va disposer de débits moins élevés que celle payante de Earthlink. Mais bon, celle de Earthlink va être payante, donc quoi, personne ne va s'en servir, c'est ça. La presse locale évoque un chiffre de 300 kilobits par seconde pour Google, soit un taux de transfert plus rapide qu'une ligne téléphonique, mais moins intéressant qu'une ligne câble ou DSL. Ces conditions répondent aux exigences de la ville, qui voulait que tous les résidents aient la possibilité de se connecter à Internet à moindre coût. Il y a quelques jours, le Bureau américain des brevets annonçait la ratification de 3 brevets déposés par des employés de Google portant justement sur les conditions de la fourniture d'accès à Internet gratuite financée par la publicité. L'un d'eux concerne par exemple la possibilité d'adapter les couleurs ou les logos du navigateur aux couleurs de la société qui propose le point d'accès. On imagine quels usages pourra faire Google de ces récents brevets grâce à ce projet et quelles importantes nouvelles sources de revenus pourraient en découler. Donc, Google et Earthlink ont annoncé leur intention d'investir au moins $15 millions dans les infrastructures nécessaires. Certains pensent qu'une fois San Francisco équipé et le modèle du point d'accès gratuit financé par la publicité bien rodé, Google pourrait avoir d'autres ambitions bien plus importantes, comme par exemple la couverture en Wi-Fi gratuit de l'ensemble des États-Unis. Faudrait pas attendre trop pour ça, ça risque de prendre un bout de temps si ça arrive. À Mountain View, le siège du moteur de recherche déjà équipé en Wi-Fi gratuit, on répond à ces rumeurs en disant que San Francisco était un choix logique parce que de nombreux employés de la société y vivent, mais qu'aucun autre projet est en vue. Cependant, de nombreuses villes américaines cherchent actuellement à se couvrir en Wi-Fi et Google pourrait très bien être tenté d'y porter son modèle gratuit. Évidemment, San Francisco, c'est la ville technologique du monde. Tout le monde est là en technologie. C'est malade. On va retourner en musique. On va écouter une pièce de Dee. Un nouvel artiste, en fait pas un nouvel artiste, mais qui est nouveau sur la scène du palmarès anglophone de C'est Fou. Palmarès instrumental, si on en avait un, ce serait là qu'il serait. On écoute la pièce Real Summertime. Vous écoutez La Connexion. On parle technologie, informatique et jeux vidéo sur C'est Fou 89.1 FM. See you. D avec Real Summertime, et oui, il y a des paroles là-dessus. Avant de partir en publicité, on va faire le top 5 des jeux les plus loués en date du 2 avril 2006. En cinquième position, on retrouve Ghost Recon Advanced Warfighter Gras sur PlayStation 2. En quatrième, le même jeu sur Xbox 360. En troisième, Far Cry Instinct Predator sur Xbox 360. En deuxième, Elder Scrolls 4 Oblivion sur 360. Et le jeu le plus loué est Kingdom Hearts 2 sur PlayStation 2. Et oui, moi, ça me surprend de voir autant de jeux 360 sur le top des jeux les plus loués. Mais bon, que voulez-vous? On s'en va en publicité. On revient tout de suite avec, plus tard dans l'émission, si tout va bien, je devrais vous faire la critique du jeu Tetris DS, le nouveau Tetris qui est sorti récemment sur Nintendo DS, et peut-être un jeu japonais que vous ne connaissez pas, ou peut-être la semaine prochaine, on verra. Écoutez La Connexion, on parle de technologie, informatique et jeux vidéo sur CFOU 89.1 FM. Bon retour à La Connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. Oui, je suis seul aujourd'hui, mon nom est Mathieu Plante, avec vous pour deux heures de bonnes choses comme à chaque semaine. Il nous reste environ une heure et demie. Aujourd'hui, l'artiste musical vedette, c'est Prozac. Avec l'album Cruel Cruel World, on va entendre quelques pièces de l'album. On commence par When I Think of You. Tout de suite, Prozac, à La Connexion, à CFOU 89.1 FM. When I get this feeling I'm alone, unlock my bathroom door, think of the way it used to go, burning me up from head to toe. When I think of you, when I think of you, when I think of you, when I get this feeling I'm alone, I pounce, you take control, we bounce back to and fro. When I think of you, when I formation Prozac avec When I Think of You de l'album Cruel Cruel World. Prozac qui est un groupe de musique pop, un side project de deux membres du groupe canadien The Philosopher Kings, James McCollum et Jason Levine, qui c'est un petit peu pour se moquer de leurs problèmes romantiques. Leur plus grand succès, c'est la chanson Sucks to be You, mais ils ont sorti 4 albums jusqu'à maintenant: Hot Show en 98, Saturday People en 2000, Ready Ready Set Go en 2002 et maintenant Cruel Cruel World en 2005. Leur site web est au prozac.com, prozzak.com. Maintenant, c'est l'heure de quelque chose de nouveau dans la connexion, quelque chose que je vais essayer de maintenir. Voici Upload and Download. On commence par le bon côté des choses cette semaine. Dans le Michigan, les jeux violents protégés par la liberté d'expression, un juge de la Cour fédérale américaine vient de renverser une loi de l'État du Michigan bloquant l'accès aux mineurs à des jeux vidéo violents, expliquant que ces jeux relèvent du premier amendement de la Constitution des États-Unis. Le juge américain George Karamstey a renversé cette loi vendredi dernier. Et je cite, « Ces jeux vidéo sont une forme d'art d'expression où l'on y retrouve des personnages, une histoire, des images, tout comme un film ou une série télé. » Ces jeux sont donc protégés par la liberté d'expression sous le premier amendement. C'est ce qu'a expliqué le juge pour justifier sa décision. Le renversement de cette loi du Michigan est une douche froide pour les activistes qui se battent état par état pour bloquer l'accès aux jeux vidéo à caractère violent. Depuis quelques années, plusieurs juges des États-Unis, de Washington, de l'Illinois et de la Californie ont aussi renversé des lois similaires, les considérant anticonstitutionnelles. L'une des raisons pourquoi ces lois sont constamment bloquées aux États-Unis est qu'il n'y a pour l'instant aucun lien de cause à effet entre la violence de ces jeux et les répercussions qu'ils ont dans les vrais actes de violence. Si une étude s'avérait à prouver qu'il y a bel et bien un lien, la justice américaine se devrait de réviser ses jugements pour protéger ses citoyens. Certaines figures de la politique américaine, dont Hillary Clinton, ont toutefois convaincu le Sénat d'avancer des sommes d'argent considérables pour poursuivre une recherche académique montrant la causalité entre la violence des jeux vidéo et celle perpétrée dans le quotidien. Et maintenant, le download de la semaine, c'est-à-dire le point faible, la chose qui ne va pas du tout dans le monde en ce moment. À cause du piratage vidéo, YouTube, le site web qui héberge des vidéos, a imposé une nouvelle limite de 10 minutes à la longueur des segments vidéo qui peuvent être transférés par ses utilisateurs. YouTube.com, qui est un site de partage de vidéos extrêmement populaire, a récemment imposé une nouvelle limite pour les fichiers vidéo qui peuvent être partagés. En plus du maximum de 100 MB par fichier, les contenus doivent maintenant dorénavant pas dépasser 10 minutes de longueur. Pourquoi cette nouvelle limite-là? C'est que l'équipe de YouTube aurait analysé les vidéos qui font plus de 10 minutes pour constater qu'une écrasante majorité d'entre eux étaient des versions intégrales d'émissions de télé et de films, ces contenus étant très souvent distribués sans l'accord des ayants droit. Là, évidemment, je mets pas mon download, ou peu importe le nom que je vais trouver plus tard pour cette chronique-là, je mets pas le blâme sur YouTube qui a décidé de sanctionner et mettre une limite de 10 minutes, je mets bien le blâme sur les gens qui sont assez stupides pour mettre des émissions de télé et des films qui ont des droits sur ce site-là. C'est absolument ridicule. Ça fait que les gens, maintenant, sont punis à cause de ça. Donc, moi, je mets vraiment le blâme là-dessus. Pour les œuvres professionnelles de plus de 10 minutes distribuées par leur ayant droit légitime, donc ceux qui ont les droits de ce vidéo-là qui est de plus de 10 minutes, YouTube a prévu un nouveau service qui s'appelle Premium Content Program. Le site travaille également sur une solution gratuite s'adressant aux amateurs tels que les blogueurs vidéo. Dans son blog, YouTube suggère que cette nouvelle restriction ne touche qu'une très petite minorité des utilisateurs puisque 99% des fichiers vidéo du site dureraient moins de 3 minutes. Donc, c'était le download et le upload de cette semaine. Maintenant, on continue avec des nouvelles un petit peu plus brèves. La dernière étude de Net Applications affirme que le navigateur web Firefox a enfin franchi la barre symbolique des 10% sur le marché des navigateurs. En effet, selon l'étude du mois de mars, 10,05% des internautes utiliseraient Firefox pour surfer sur la toile, Firefox étant un furteur alternatif à Internet Explorer, contre 9,75% pour le mois de février. Explorer continue de dominer le marché avec 84,7% des parts de marché et les autres navigateurs comme Safari à 3,19, Netscape à 1,05 et Opera à 0,54 continuent leur lente progression. L'industrie du disque annonce une nouvelle vague de plaintes contre 2000 internautes d'Europe et d'Asie surpris à échanger de la musique dans les réseaux de peer-to-peer. L'International Federation of the Phonographic Industry, l'IFPI, organisme mondial qui veille sur les intérêts des grandes maisons de disques, oui, précise qu'elle s'attaque ainsi à des utilisateurs d'une variété de réseaux d'échange de fichiers comme Kazaa, Gnutella, eDonkey, Direct Connect, BitTorrent, LimeWire, Winamax et SoulSeek. Les internautes surpris en flagrant délit d'échange de fichiers sont localisés dans des pays d'Europe comme l'Allemagne, l'Autriche, le Danemark, la Finlande, l'Islande, l'Italie, le Portugal, la Suède et la Suisse et quelques pays d'Asie. L'Allemagne est le pays le plus touché puisque l'industrie du disque a annoncé que 1233 nouvelles poursuites criminelles contre des utilisateurs y sont intentées. L'IFPI précise que les individus touchés par ces poursuites sont surtout des hommes de 20 à 35 ans. La police allemande a arrêté des membres d'un gang soupçonné de vouloir lancer des campagnes d'hameçonnage. Selon l'enquête de la police allemande, les individus prévoyaient de subtiliser les données bancaires d'internautes en lançant des campagnes d'hameçonnage du phishing, c'est-à-dire faire passer une page web pour un site, mettons, de Desjardins, mais qui dans le fond n'est pas une vraie page, et en disséminant des chevaux de Troie capables de dérober les mots de passe. Et sept suspects âgés de 21 à 47 ans auraient notamment été trahis par l'ouverture de plusieurs comptes bancaires avec de faux noms et de fausses adresses. Les services policiers avaient ces individus à l'œil depuis le mois de décembre et ont récemment mené une série de perquisitions dans plusieurs villes d'Allemagne. C'est ce qu'indique Sophos dans un communiqué. Si vous comprenez l'allemand, évidemment, le communiqué en allemand est aussi disponible. Cette semaine, en plus de mettre la main sur Sports Interactive, Sega a aussi acquis le studio californien Secret Level. Récemment, le développeur a travaillé sur Karaoke Revolution et America's Army Rise of a Soldier. Secret Level est surtout reconnu pour ses prouesses technologiques au fil des ans. Ils sont notamment responsables du port de Unreal Tournament sur Dreamcast, un des premiers titres sur console à supporter 8 joueurs en ligne. Selon la page d'embauche de la compagnie, elle travaille présentement sur un titre de prochaine génération sur Xbox 360 et PlayStation 13. La mannequin Karima Adibébé, qui est actuellement celle qui incarne le personnage de Lara Croft dans Tomb Raider, vient de dévoiler ses charmes dans le magazine Maxime. Au bas de cette nouvelle, sur le cnx.ca, l'article s'appelle « Lara Croft dans Maxime ». Vous pouvez voir les belles photos de Karima Adibébé, que je trouve absolument mignonne. C'est la nouvelle Lara Croft. C'est le fun! Semaine après semaine, Sega continue d'acquérir de nouveaux studios, on vient juste d'en parler, ou de signer des partenariats. Je vais parler maintenant de Sports Interactive, qui est un studio qui est basé à Islington, dans le nord de Londres. Le développeur est notamment responsable de la franchise Football Manager, populaire au Royaume-Uni, NHL East Side Hockey Manager Out of the Park Baseball. Ce sont les deux autres franchises majeures, hein? C'est deux différentes, là. NHL East Side et Hockey Manager, peu importe. Avec Sega prévoit garder la même stratégie avec Sports Interactive, tout en y allouant plus de ressources. Les premiers jeux à profiter de cette entente seront Football Manager 2006 sur Xbox 360 et Football Manager Handheld sur PlayStation Portable. Ubisoft a annoncé que Martin Tremblay, président directeur général et COO du studio de Montréal de Ubisoft, a décidé de relever de nouveaux défis à l'extérieur d'Ubisoft. Martin Tremblay a rejoint le studio à Montréal en 1999, d'abord comme vice-président exécutif sous la responsabilité de Sabine Hamelin, avant d'en devenir le président directeur général en 2000. Donc, il quitte la compagnie et ça fait partie du communiqué de presse. C'est ça, oui, exactement. Donc, la nouvelle, ça fait partie du communiqué de presse que Ubisoft a envoyé. Il y a quelques jours, une nouvelle à l'effet que Shadowbane, le jeu Shadowbane, allait devenir gratuit, avait circulé. Toutefois, aucune nouvelle du studio derrière le jeu de rôle massivement multijoueur Wolfpack Studios. Or, je crois que c'était le 30 mars dernier, un employé de Wolfpack a confirmé via un blog que Ubisoft avait bel et bien fermé la compagnie. Donc Ubisoft a par la suite confirmé la nouvelle à GameSpot par la bouche d'un porte-parole. Le futur s'annonce toutefois pas noir pour les employés de chez Wolfpack Studios qui perdent leur emploi, car Ubisoft aurait l'intention de les relocaliser ailleurs. Au moins, bonne nouvelle, Shadowbane va rester gratuit et disponible jusqu'à la mi-mai, moment de la fermeture officielle de Wolfpack. Ensuite, aucune idée. Shadowbane, jeu qui apparemment est tellement mauvais qu'il vaut même pas la peine de télécharger gratuitement, je dis ça comme ça. Le président de Sony France, Georges Fornet, aussi le vice-président de Sony Europe, a commenté le prix de la PlayStation 3 à la station de radio française Europe 1. Selon Georges Fornet, le prix du PlayStation 3 serait entre 499 € et 599 €, autrement dit entre 710 et 850 $ canadiens. Ouch! Il en a aussi profité pour... C'était cliché, ça. Ouch! Il a aussi profité de l'occasion pour confirmer la sortie de la PlayStation 3 en France et le reste de l'Europe pour novembre cette année. Cette nouvelle confirme l'annonce que Ken Kutaragi avait fait auparavant lorsqu'il a dit que la console allait être coûteuse. Il a pas menti, ce gars-là. Pas genre à mentir, pas en tout. Du tout. On retourne en musique, on va entendre encore une pièce de Prozac, notre artiste vedette de la semaine. Tantôt, on a écouté When I Think of You, maintenant on écoute Tricky. Vous écoutez La Connexion, on parle technologie, informatique et jeux vidéo sur les ondes de C'est Fou 89.1 FM. Yeah. the street one day and passed a pretty lady. She looked good to me and her booty got me crazy. I thought that I should talk to her instead of being lazy. But as I approached, all my thoughts got hazy. I hailed a cab and said, follow that Mercedes. I will if you want, but at first you gotta pay me. I looked out the window and I noticed it was raining. The traffic got stuck, so I fell into a daydream. My phone vibrated, but I didn't feel like talking. Went down to the subway and I saw the chick was rocking. Stopped at the store to do some food shopping. And Mike was cooking up a new beat, he'd be dropping. Find yourself in a tricky kind of love and need a little help. I could be your ticket out, even though our time is past and the love we have won't last. I will always be your friend and we'll never have to end. And she said, ooh, baby, can we do it again? You know I love the way you love me and we're such good friends. Ooh, baby, can we do it again? You know I love the way you love me and we're such good friends. They showed a movie of a girl shopping slow-mo. Pretended I was laughing, but inside I wanted to go. Arrived with a partner, sneak away solo. Run down the stairs and I kicked open the back door. Hit some guy and he called me a mofo. I looked up at the sky, saw the moon was big and yellow. Why must I be such a messed up fellow? Went to a bar that was dirty and dingy. Melissa and Jacqueline and Cheryl and Lindsay. You gotta pay the cover cause the bouncer be stingy. Got mad, walked home, hair got frizzy. I still think of you. If you ever find yourself in a tricky kind of love and need a little help, I could be your ticket out. Even though our time is past and the love we have won't last, I will always be your friend and we'll never have to end. But she said, ooh, baby, can we do it again? You know I love the way you love me and we're such good friends. Ooh, baby, can we do it again? You know I love the way you love me and we're such good friends. La formation Prozac avec Tricky de l'album Cruel Cruel World à la connexion par technologie informatique et jeux vidéo. Je vous apprends rien, j'espère. OK, donc on est rendu à Bricolons avec Mathieu. Bricolons avec Mathieu. Ah, pas de musique, c'est plate. Hein? Ah, c'est... Ouais, c'est pas très bricolage, mais bon. Donc on commence les gens qui ont fait des mods spéciaux de leur ordinateur cette semaine. Un gars en Allemagne a fait un mod de sa boîte d'ordinateur, c'est-à-dire qu'il a modifié un petit peu sa boîte d'ordinateur pour la transformer en le torse de sa femme. Oui. Ouais, c'est évidemment pas exactement l'appareil, mais quand même, j'aime ça, je trouve ça cool. C'est une maudite bonne idée. Hein? Ça te donne des souvenirs à chaque fois que tu vois ton ordinateur. Okay. Et ensuite, donc on a tous vu beaucoup de modifications de NES depuis quelques semaines. C'est comme revenu à la mode. Mais j'aimais quelque chose d'aussi mignon que ça. Jackie 187 a créé un disque dur externe USB avec une cassette de Zelda au NES. Ce qui veut dire que c'est physiquement l'aspect d'une cassette NES et à l'intérieur, il y a vraiment un disque dur USB. Vraiment génial. Un vieux disque dur de laptop, parce qu'évidemment, c'est quand même petit, une cassette de NES. Donc, bravo, absolument fantastique. Et vous pouvez même voir les instructions et les photos de comment le faire sur le cnx.cif.ca dans l'article qui s'appelle DIY2.HDD Enclosure. Hein? Cherchez-le, ça va être là. Okay? Je regarde le gars qui a fait son affaire en Allemagne. Il a vraiment fait une impression du corps de sa femme moulée pour faire son case d'ordinateur. C'est génial. Les photos sont là et lui aussi vous montre exactement comment faire. Si vous voulez mouler n'importe quelle partie du corps de quelqu'un que vous connaissez, mettre un ordi dedans, ça se fait. C'est le fun. Aussi, dans la chronique bien équipée, on parle de gadgets que j'aimerais bien posséder moi-même et peut-être vous aussi. J'ai vu cet article sur Clubic, des écrans OLED qui sont transparents. Donc, les fans du film Rapport minoritaire, Minority Report, peuvent se réjouir. Des chercheurs allemands ont annoncé il y a quelques jours qu'ils avaient réussi à mettre au point un écran OLED, donc Organic Light Emitting Diode, transparent. Cet écran associé à une luminosité de 700 CD par mètre carré je crois, serait capable de transmettre plus de 90% de la lumière ambiante. Je sais pas ce que ça veut dire en passant. Cette technologie qui milite contre les tendances opaques pourrait donner naissance à de nouveaux produits pour aider les chirurgiens dans le domaine médical. On peut aussi imaginer la création de pare-brise de voitures exploitant ces écrans et capable d'afficher diverses informations, par exemple de GPS. Est-ce que ce serait pas merveilleux de pouvoir voir tout ce qu'il y a sur votre tableau de bord, mais sur votre autour, comme un petit peu dans un jeu vidéo, sur votre écran, sur la vitre de votre char? Ce serait vraiment fantastique. Les auteurs de cette nouvelle invention affirment que les premiers prototypes OLED transparents seront disponibles d'ici 2 ans. La création d'écrans OLED transparents et entièrement tactiles pourrait conduire à faire de certains éléments du long-métrage de science-fiction Minority Report une réalité. Ça s'en vient. Le futur est à nos portes. Bienvenue dans le nouveau millénaire. En tout cas, je vais arrêter ça. Bientôt au Japon, vous allez commencer à... Si vous habitez au Japon, évidemment, hein, vous allez commencer à avoir des timbres de Mario Bros. Oui. Envoyez vos lettres avec style, avec ces nouveaux timbres de Super Mario Bros. 1. Des Goombas, des Sheep et plusieurs autres animaux du royaume du champignon vont faire leur apparition tard en mai. Donc imaginez la réaction de vos amis quand ils vont voir vos timbres rétro. Ça va être magnifique. C'est totalement sérieux. Oui. Donc on peut précommander une feuille de 10 timbres avec un petit boîtier avec Mario dessus pour environ 3150 yens, donc 27$ américains environ. Ils sont tellement bons, j'aimerais ça ne pas être pauvre. Ensuite, c'est pas vrai. Ensuite, des jeunes filles, ça c'est vraiment stupide, c'est quasiment la nouvelle conne de la semaine. On pensait tous que c'était une nouvelle poisson d'avril, en fin de compte, c'est pas le cas. 5 adolescentes dans l'état de l'Ohio ont de gros problèmes maintenant après avoir fait une petite blague ayant un rapport avec Super Mario Bros. Donc les filles ont trouvé sur Internet, peut-être sur le site de la connexion, parce qu'on en a déjà parlé, donc les instructions pour créer de vrais blocs de points d'interrogation qu'on voit dans Mario souvent. Ils en ont créé 17, c'est en carton, etc., avec du brillant dessus. Donc ils en ont créé 17 et les ont placés partout en ville. Donc les membres un petit peu trop excités dans la communauté ont pensé que c'était des bombes. Donc ils ont appelé la police et l'escouade anti-bombes. Qui sont venus et qui ont vraiment eu à dealer avec cette menace potentielle. Donc, évidemment, je comprends que c'est totalement sérieux d'avoir des paquets suspects, mais quand même, je veux dire, du bricolage, des points d'interrogation de Mario. Je pense que les criminels sont pas si geeks que ça, là. En tout cas. Donc, voilà. Qu'est-ce que ça disait, ici? En tout cas. On continue avec, cette fois-ci, des singes adeptes de portables, téléphones portables, qui sont traités pour briser leur dépendance. Des singes technophiles du zoo de Londres qui aimaient un peu trop les téléphones cellulaires ont subi un traitement pour freiner leur intérêt débordant envers cet outil de communication. C'est ce qu'on a appris mercredi auprès du zoo. Les sonneries et lumières colorées des téléphones portables des visiteurs attiraient les singes écureuils à un tel point qu'ils tentaient immanquablement de s'en saisir. Les visiteurs qui prenaient des photos avec leur téléphone étaient particulièrement vulnérables aux tentatives de vol des singes qui vivaient dans un enclos à air ouverte. Un court programme d'entraînement a été développé afin de stopper l'intérêt grandissant des pensionnaires pour cette technologie. Les employés du zoo ont récupéré de vieux téléphones portables qu'ils ont ensuite enduits d'une substance visqueuse détestée des singes écureuils. Ils ont rapidement compris qu'ils ne devaient plus toucher ces téléphones-là et ils sont revenus à leur passe-temps habituel de manger et de dormir. Originaires d'Amérique du Sud, les singes écureuils sont menacés dans leur habitat naturel. Ouvert au printemps l'année dernière, le nouvel enclos à air ouverte traversé par les visiteurs a été spécifiquement destiné pour imiter les forêts de Bolivie. Donc c'est à Londres, des singes technophiles. Génial. Un Chinois tente de vendre son âme sur Internet. Ça va de mal en pis. Mal en pis. En tout cas. Plus tard, en passant dans l'émission, ma critique de Tetris DS s'en vient. Donc restez là pour ça. Un Chinois de 24 ans a mis son âme à vendre sur le site de Taobao, où 58 enchères ont été effectuées avant que son offre ne soit retirée par les responsables du site le plus populaire en Chine. Donc il a fait ça sur un coup de tête. C'est ce qu'il a expliqué à... C'est ce qu'a expliqué le vendeur à l'agence France Presse à Shanghai, demandant de rester anonyme. Son offre a été mise en ligne la semaine dernière avec un prix de départ de 10 yuan, ou 1,23$. Les enchères avaient atteint 681 yuan, ou 84$, quand l'offre a été retirée après que les médias chinois en eurent parlé. Taobao n'interdit explicitement les enchères que pour les armes et les drogues, mais, et je cite, « Nous avons retiré l'offre parce qu'ils estiment... » Je vais y aller avec eux. « Mais ils ont retiré l'offre parce qu'ils estiment que seul Dieu contrôle les armes. » C'est ce qu'a expliqué le responsable des relations publiques du site Tao Ran. On ne peut pas vendre les armes puisqu'elles ne peuvent ni être vues ni touchées, a-t-il ajouté, précisant qu'il y avait eu aussi des pressions de l'opinion publique pour ce retrait. Le vendeur a indiqué qu'une journaliste lui avait ensuite acheté son arme pour un prix qu'il n'a pas voulu divulguer. « Je vais lui envoyer par courrier express », a-t-il dit. Ah, c'est tellement beau. C'est beau. Le site web Resistance, je crois que ça s'appelle ukresistance.co.uk. Donc, ils ont trouvé un vieux rap de Sega qui vient du Royaume-Uni. Ça sort des années 90. Ça s'appelle le Sega Master Mix 90. La chanson a été distribuée dans un numéro du magazine du Royaume-Uni qui s'appelle Mean Machines. Il a été enregistré par deux enfants qui ont gagné une compétition qui leur permettait d'avoir un petit peu de temps en studio pour enregistrer leur CD de rap Sega Cockney. Donc, quelques répliques absolument mémorables dans cette chanson-là. Master System costs from 80 pounds, 128 colors, 3 channel sound. Ça va être super bon, gars. Je vais arrêter de la chanter parce que je suis très très mauvais. Et je vais vous la faire entendre. La voici, le Master Mix de Sega. Tout de suite, à la connexion. C'est Fouillette 89. Ça va être pénible. Yo, Nick and Steve, you coming out tonight? No, man, we're staying in to check out our brand new Sega console. Sega? What's that? Check this out. Yo! Master System cost them 80 pounds. 128 color, 3 channel sound. Yeah, they got more games than Fish in the Box. Like Operation Warfare and Psycho Fox. Donut, R-Type, World Game, Chase HQ, World Soccer, Baseball, Wonder Boy 2. The list of games goes on and on and on. The Sega Pass is up 100 strong. Sega! Je crois que c'est la pire chanson de rap jamais enregistrée à vie. Il reste encore 2 minutes de ça. Si vous voulez la télécharger au complet, je vous invite à vous rendre au cnx.cif.ca, le weblog de la connexion cnx.cif.ca ou cif.ca et cliquez sur la connexion en bas à droite. Mais en même temps, je vous conseille peut-être de ne pas le faire. Juste ça comme ça. Dans la deuxième heure, c'est ma critique de Tetris DS qui s'en vient. Je vais peut-être aussi parler d'un juge qui a jugé un gars parce qu'il a piraté le blog de sa blonde, de son ex-blonde. On en parle tantôt, OK? Voici les nouvelles de Radio-Canada. Ensuite, on revient. Vous écoutez la connexion à CF89.fm. Bon retour, c'est la deuxième heure de La Connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. Mon nom est Mathieu Plante et pour cette deuxième heure, non, je ne suis plus seul car l'inestimable David Leblanc est avec moi. Bonsoir. Bonsoir, David. J'espère que tu vas bien régler les micros parce que moi, j'entends rien. C'est pas grave, mon marangex. Oh. Au retour, on va parler un petit peu encore de Bootcamp, la grosse nouvelle de la semaine, ce qui fait que Windows va être maintenant bootable sur Mac OS et même juste les Mac, les Apple, la pomme, toutes les affaires de même. On en parle au retour avec quelqu'un qui connaissait pour vrai. Mais pour l'instant, voici Prozac, toujours dans l'album Cool Cool World. Voici If You're Ready à La Connexion sur C'est Fou 89 FM. La pomme. C'est beau comme nom. If you're ready, I'm ready for you, baby. I'll be hanging on. Zach, If You're Ready de l'album Cruel Cruel World, des artistes canadiens merveilleux. Parlant d'artistes canadiens merveilleux, David Leblanc est avec nous de l'émission Funky Torch les jeudis soirs à 18h pour parler un petit peu de Mac avec moi. C'est ça. C'est en passant, mon émission, c'est à soir. Funk Guitar. Je suis pour tous ceux qui aiment la musique funk comme qui joue en arrière. C'est pas à soir, c'est les jeux de soir. Faut être subtil. C'est vrai. C'est les jeux de soir. Faut être généralement comme ça. Je suis pas habitué, tu sais. C'est pas grave, moi non plus. Donc, cette semaine, Apple a sorti un logiciel qui s'appelle le Apple Bootcamp. Ouais. Qu'est-ce que c'est? C'est compliqué. Non, c'est pas compliqué, en fait. C'est que Apple a développé... Non, lance plutôt un logiciel ouvert à tous les développeurs. Mm-hmm. C'est un logiciel qui s'installe sur les nouveaux Mac Intel. Comme ça, on peut installer une version de Windows qu'on paye, dans le fond. Ouais, une vraie version de Windows payée SP2, Windows XP SP2 minimum, ouais. Pis ça fonctionne. C'est acheté, tu le mets dessus, pis ça marche. C'est ça, t'installes le logiciel. En fait, le prochain système d'exploitation, macOS 10.5, qui va sortir, mm-hmm. qui porte encore le nom d'un félin. Ouais, c'est lequel cette fois-ci? Je me souviens plus. Je me rappelle plus. Peu importe. C'est pas grave, vous vous souvenez des chiffres. 10.5. Uh-huh. Donc, ce système d'exploitation-là va être installé sur toutes les futures Mac qui vont sortir, donc muni d'un processeur Intel. C'est Léopard, le nom. C'est Léopard. Bon, donc, on va pouvoir avoir un boot disk. Uh-huh. Je sais pas si les gens peuvent comprendre qu'est-ce que ça implique, parce qu'en fait, c'est comme si pour la première fois de la vie de Apple, uh-huh. ils vont forcer carrément Microsoft mm-hmm. à suivre le bal. Oui. En même temps, ils ont un avantage sur Microsoft ou sur toutes les compagnies. Là, faut pas comparer les PC clones à Apple. Parce qu'en fait, il faudrait plutôt comparer Apple à Dell oui. ou à toutes les grandes compagnies qui créent un système d'exploitation oui. avec la machine de A à Z. Donc, faut plutôt comparer ça à Dell. Donc, c'est les premiers à emboîter le pas, à avoir un ordinateur qui est multi-boot. Ouais. Fait que ça, là, pour les entreprises ou pour les particuliers, tout simplement, là, c'est un avantage incroyable. Mm. Si toi, tu décides de travailler Final Cut, tu fais de la vidéo ou tous les logiciels Edit, puis tous ces trucs-là, tu décides de jouer avec le son, ces affaires-là, ben, tu peux toujours te procurer une version PC d'un logiciel qui est encore meilleur, mm-hmm. qui s'installe sur Windows, puis... Ouais. C'est vraiment une version native de Windows XP, c'est pas une version émulée ou n'importe quoi. Ça dit vraiment ici que lors d'un démarrage, vous tenez Alt, il vous propose est-ce que vous voulez démarrer macOS X ou Windows, et voilà, ça démarre une version vraiment native, complètement native de Windows XP va démarrer. Ensuite, tu redémarres puis tu reviens sur ton Mac. C'est ça. C'est vraiment juste ça. Ce qui est intéressant, c'est que macOS 10.4 sur un iMac Intel 1.8, je pense, mm-hmm. macOS 10 boot en à peine, je sais pas moi, 15 secondes, 20 mm-hmm. secondes, pas plus. Fait que XP aussi doit rouler. XP quand même vite, oui. 2001. Mm-hmm. Puis, quelque chose de vraiment le fun que je viens de voir aussi, c'est que Bootcamp va vous permettre de graver un CD avec tous les pilotes requis dans Windows. Donc, mettons, tu sais que t'as un Mac d'une certaine sorte, tu prends ces pilotes-là, ça va les installer dans Windows, puis ton Windows va marcher dans ton Mac tout de suite avec tous les bons pilotes. T'auras pas besoin d'aller chercher sur Internet. Ça fonctionne exactement. Tout seul, c'est magnifique. C'est un truc ouvert aux développeurs, c'est ça qui est intéressant. Mm. Mais... C'est drôle parce que je sais pas quelle va être la réponse à Microsoft. Ouais. Mais en fait, tout est légal parce que je sais pas s'il faut qu'ils vendent une licence pour s'installer sur un logiciel. Parce qu'en fait, quand tu l'achètes, probablement que quand tu achètes un logiciel, tu es un particulier, mm-hmm. tu achètes la licence de l'installer sur ce que tu veux. Ouais. Puis je pense pas qu'ils cracheraient non plus là-dessus. Ce que je me demande, c'est les pilotes, par contre, parce que si Mac fait un CD de pilotes, est-ce que Windows est obligé de les accepter, ces pilotes-là? Est-ce que Microsoft peut dire non, ces pilotes-là, c'est des pilotes d'Apple, on n'en veut pas, on veut pas que ça soit installé. Ils ont peut-être pas la licence pour mettre des pilotes sur Windows. C'est ça qu'il faudrait voir si ça va peut-être causer des problèmes. Une affaire que je sais, en tout cas, c'est que les deux jeunes là qui avaient parti le projet pour installer Windows sur un Mac... C'est ceux qui ont donné 14 000 $ aux gagnants? Ouais, c'est ça. Eux... donnent leur petit logiciel là, qui s'installe facilement. C'est ouais. Mac présentement, toutes les Mac Intel. Mm-hmm. Ça permet d'installer Windows, oui, mais ça reconnaît pas la carte 3D encore. Uh-huh. Mais oh. sur les Mac oh. mini de première génération, uh-huh. Windows reconnaît la carte vidéo. Donc, ceux qui ont ces petits ordinateurs-là peuvent partir à Half-Life ou un truc de même parce qu'ils reconnaissent la carte 3D. Mais avec ça, je sais pas si ça reconnaît la carte 3D. D'après moi, oui. Ou de toute façon... Je crois qu'il faut absolument peut-être les petits pilotes de Mac qui s'installent sur un CD. De toute façon, là, l'industrie va tout le temps aller vers la majorité. Ouais. La majorité est en Windows depuis longtemps. Exactement. Mmh. Fait que pourquoi s'empêcher de le faire? Puis de toute façon, la plupart des entreprises, c'est comme je disais sur Internet, il y a le ministère japonais de je sais pas quoi, de la sécurité, qui ont acheté pas mal de Mac comme ça. Mais probablement qu'avec cette nouvelle-là, probablement qu'ils vont dire on va attendre. T'sais, tant qu'à acheter, mettons, un parc industriel d'ordinateurs de 20 000, pas 20 000 piastres, mais ordinateur. 20 000 machines. Ouais. Probablement que ça va être un avantage incroyable. Moi, en tout cas, je suis de ceux qui vont faire le Switch probablement l'année prochaine. Je vais attendre que le 10.5 sorte, puis je vais pouvoir faire le Switch. Ben, même toi... Si j'ai l'argent, tu me donnes l'argent, j'achète tout de suite un Mac, moi, voyons. Mais ensuite, pour vrai, là... j'ai pas d'argent, mais oui, je le ferai, c'est sûr. Quelque chose qui me surprend dans cette nouvelle-là, c'est que seulement Windows XP SP2 va marcher, et non pas les mises à jour de Windows, ni le Windows Media Center. C'est quand même un des désavantages, mais bon, il faut vraiment une version spécifique de Windows. Pour l'instant, c'est SP2. Donc voilà. Ok. C'est des renseignements. Mais oui, en même temps, je m'achèterais un Mac si j'avais l'argent. Absolument, tout de suite, n'importe quand. Puis pour ceux qui ont déjà des Mac Intel, peuvent aller sur le site d'Apple, puis le Bootcamp, puis peuvent le télécharger gratuitement. Ça pèse 80 quelques mégs. 83 mégs. C'est très, très facile à trouver. Allez sur apple.com, cliquez sur le bouton Mac OS X, et en bas, dans le menu à droite, cliquez sur Bootcamp Beta. Magnifique. Maintenant, avant de retourner en musique, faisons la chronique cette semaine dans l'histoire. Ça te va? Ben oui, t'es ben fin. Oui. Le 2 avril en 1980, Microsoft a annoncé ce qu'ils appelaient la Soft Card. C'était leur premier produit hardware, un microprocesseur sur circuit imprimé qui se branchait dans l'ordinateur Apple II. Et ça se vendait $350. C'était le 2 avril en 1980. Ensuite, le John Napier, un mathématicien écossais qui est célèbre pour avoir inventé les logarithmes d'un appareil et un appareil de calculation qui s'appelait Napier's Bones, est mort à l'âge de 67 ans. C'était le 3 avril 1617. Bon, j'avais jamais entendu celle-là. Mark Andreessen et Jim Clark ont fondé Mosaic Communications Corp, qui a plus tard été renommé Netscape Communications Corp. Donc, la fondation de Netscape était le 4 avril 1994. Cuthbert Hurd est né le 5 avril 1911, un pionnier des ordinateurs, le fils mathématicien d'un prêtre itinérant. Le président de IBM, Thomas Watson Sr., a engagé Hurd en 1949. Il est né le 5 avril en 1911. Microsoft Corporation a sorti Windows 3.1, un système d'exploitation, qui évidemment est sorti le 6 avril en 1992. Ça fait quand même pas si longtemps que ça, 1992, c'est proche. C'est ça. J'aimerais... OK, je ne veux pas prêcher pour ma paroisse, mais en 92, ils ont sorti Windows 3.1. Oui. C'est un système de fenêtres avec des icônes. Mm-hmm. Et je tiens à dire aux radio-téléspectateurs que Apple, en 1984, avait déjà inventé les disques durs en icônes, les dossiers et même la poubelle, la petite poubelle en métal. Ouais, on sait bien que Microsoft a copié sur Mac. C'est pas nouveau, c'est pas quelque chose que tu nous apprends, là. Et maintenant, le vent tourne de bord. C'est les alliés qui vont gagner. On approche la chute du Reich. Windows 3.1 coûtait $149 en vente. Incroyable, $149 pour un système d'exploitation qui coûte maintenant plusieurs centaines de dollars pour quelque chose qui est même pas si hot que ça. Ah, regarde. Et pour terminer, l'équipe de Sun, le 8 avril 1991, ont commencé à travailler en secret sur le projet Oak, qui a plus tard été nommé Java. Java, ça a commencé le 8 avril 1991 et IBM a annoncé le System 360 Computer Family, une nouvelle série d'ordinateurs System 360. C'était le 7 avril 1964, donc l'expression 360 était déjà populaire dans ce temps-là. Hey, jeune homme. Quoi donc, jeune femme? Java, là. Ouais. Le rêve, là, c'est que toutes les systèmes d'exploitation marchent là-dessus. Je sais pas si tu savais. Ah oui. Les autres pensaient que dans les années 2000, toutes les systèmes d'exploitation allaient utiliser Java. C'est un beau rêve. Comme langage. C'est un langage universel en passant. Ouais. Et c'est ça son avantage. Qui fonctionne partout. C'est quel le chèque qui est fait en Java? C'est LimeWire. Ben oui, c'est justement lui que j'inventais. C'est beau à voir. Quelle complicité incroyable. C'est beau. Donc, avant, pour vrai, d'aller en publicité cette fois-ci, sans aucun mensonge, on va faire le top 5 des mots-clés qui ont été les plus cherchés sur Internet cette semaine, selon les toujours très séduisants gens chez MSN Sympatico Canada en français. Leur top 5 est le suivant. En cinquième position, Jolie Pitt. En quatrième, New York. En troisième, Love Story. En deuxième, Matt LeBlanc de la série Friends. Et le mot-clé le plus recherché, selon Sympatico, est supposément Jennifer Lopez. Quelle grande culture! Incroyable! Mais quelle boule! Un peuple de culture, hein? Incroyable. On revient avec ma critique de Tetris DS sur Nintendo DS, de la musique et des conversations. Tout ça à la connexion. On parle technologie, informatique et jeux vidéo. Où ça? Ah, c'est fou. 89. Ouais. Trash dot dash dot trash dot dash dot trash dot dash dot trash dot com dot com dot com dot dot dot dot com. Bon retour, c'est la dernière demi-heure de la connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo qui va tellement vite qu'il faut une pilule parce que sinon t'as des mal de cœur en l'écoutant. C'est une même, qu'est-ce que tu veux faire? Donc Mathieu Plante avec vous et évidemment notre homonyme DL Leblanc. David L. Leblanc. C'est ça. C'est pas grave. OK. Donc, t'es fin, t'es beau, t'es musclé, t'es original. Non, tu sais, je te renvoie le compliment. Là. On écoute Lens Arledge avec Hang On et puis on revient avec d'autres affaires super palpitantes à la connexion sur C'est Fou 89.1 FM. Lay down, won't you? Stay while, won't you break down your day for me? Lens Arledge avec Hang On de leur album The Hope Museum. Hey, en parlant de Lens Arledge de l'album The Hope Museum, écoutez les palmarès C'est Fou ce vendredi le 7 avril 2006 si vous écoutez la diffusion originale, parce que ce vendredi on va faire tirer trois albums de Lens Arledge. Ça va être magnifique, ça va être un petit spécial. On va se faire ça, ben bonne franquette, là. On va écouter de la musique puis on va s'amuser. C'est les palmarès C'est Fou vendredi de 17h à 21h toujours ici sur C'est Fou 89.1. Vous écoutez La Connexion par technologie informatique et jeux vidéo avec David Leblanc et moi-même Mathieu Plante. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Donc, on est rendu au moment de l'émission où on parle de ce qui se passe en magasin cette semaine. Donc, voyons à quel nouveau jeu vous allez jouer et quels nouveaux jeux vont vous forcer à vous dépocher cette semaine. D'accord? C'est fin, ça. C'est vrai que c'est fin. On commence par les jeux qui sortent, comme toujours, sur plusieurs consoles en même temps. Sur PlayStation 2, Xbox et PC, on retrouve le shooter historique Commandos Strike Force. Sur PS2 et Xbox, on retrouve le jeu de simulation de baseball Major League Baseball 2K6. Sur PC maintenant, le jeu de management d'équipe de baseball, Baseball Mogul 2007, le jeu militaire en temps réel de stratégie, Hearts of Iron 2 Doomsday, et le shooter à la troisième personne, Shadowgrounds. SWAT 4 Gold, un shooter moderne, et tiens, ça c'est tout pour les jeux sur PC. Sur PlayStation 2 maintenant, le jeu de motocyclette, Thirst Trophy Real Riding Simulator. Sur PSP, le puzzle Bust Move Deluxe, le jeu d'action d'aventure From Russia With Love, le jeu de chasse Cabela's Dangerous Hunts, le jeu d'action et d'aventure The Chronicles of Narnia, The Lion, The Witch and The Wardrobe. C'était le dernier jeu. Ah Dave, qu'est-ce que t'en penses des jeux? Moi, je trouve que ça l'occupe bien le temps quand t'as plus rien à faire. C'est pas vrai. J'ai encore plein de choses à faire, c'est rien que je les ai pas placés encore. T'es fin. C'est vrai que je suis fin. Il me reste encore la critique de Tetris DS. Il faudrait que je me dépêche pour faire ça, d'ailleurs. Donc, on va y aller avec quelques petites nouvelles rapides. On commence par un gars qui a été jugé pour avoir piraté le blog de son ex-blonde. Ça va très, très mal pour lui. Donc, la saisie du matériel informatique et 1 500 € d'amende ont été requis devant le tribunal correctionnel d'Avignon contre un jeune homme qui avait piraté par vengeance le blog de son ex-petite amie. C'est ce qu'on a appris mercredi de sources judiciaires. En raison d'une rupture mal vécue, cet habitant du Pontet, âgé de 22 ans, avait truffé le site internet personnel de la jeune fille de photographies dénudées de la victime, dont les seins et le sexe étaient cependant cachés par des cœurs. Il avait ajouté des commentaires dévalorisants à son encontre. Le tribunal a mis son jugement en délibéré au 10 mai. Enfin, la justice vient encore sauver le monde moderne. C'est vrai. Une chance qu'ils sont là. On avait parlé la semaine passée que Opéra, le furteur web, allait être publié sur Nintendo DS. C'est que c'est malade. Donc, ça va sortir. On a défini que ça allait sortir en juin au Japon et aux États-Unis en décembre. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est comment ça va fonctionner. C'est que l'écran, il va y avoir deux modes, dont un mode qui va étirer la page sur toutes les deux écrans à la verticale, donc complètement illisible parce que c'est bien trop petit, et un autre mode qui va te montrer l'écran au complet en bas, et en haut, ça va pouvoir zoomer. Le zoom. Ça va être le fun, ça va pouvoir tasser un petit carré, puis ça va zoomer en haut pour lire un article, mettons, ça va être génial. Ça va être absolument fantastique. Tu vas pouvoir installer Windows en boot. C'est ça. En dual boot. Ben oui, tu vas pouvoir mettre BitTorrent puis télécharger de la porn dessus, ça va être le fun. Exactement, enfin! Enfin! Sur DS. La compagnie Pelican. Est-ce que tu connais Pelican? C'est eux qui font des petits gadgets, des accessoires pour les jeux vidéo, pour les consoles de jeux. Très, très cheap, souvent. Donc, ils avaient fait une Power Brick, qui était une batterie, un chargeur de batterie pour la PSP. Et bien maintenant, il y a un rappel de cet article-là, parce qu'il y a des potentiels de surchauffage. Est-ce que c'est eux qui avaient sorti la manette Resident Evil au GameCube en CHN? Oui. Je crois que oui. Il me semble qu'ils font un paquet de gadgets comme ça, des écrans pour DS, des loupes pour Game Boy ou des corsets, n'importe quel petit gadget qu'ils peuvent faire de l'argent avec. Ils vont les lancer. Et bien là, la batterie surchauffe. Donc, tu peux littéralement fondre ta batterie. Là, c'est un chargeur de batterie. Ça peut faire fondre la vraie batterie de ton PSP. Pas une très, très bonne idée. Donc, renvoyez ce produit-là. Puis, achetez pas des produits de Pelican. Ça coûte 20$, ces affaires-là. Puis, c'est de la merde. C'était disponible n'importe où aux États-Unis depuis avril 2005. Et il y a eu au-dessus de 140 personnes qui ont rapporté des cas de surchauffe. Un feu. Et malheureusement, heureusement, aucune blessure du tout. Et ceux qui croyaient que la Xbox 360 devenait chaude, celle-là est encore plus chaude. C'est vraiment chaud. Chaud comme nouvelle. Chaud chaleur, comme Hot Hot Heat, qui est la musique qui joue en ce moment même en fond. C'est un jeu de mots. J'aime ça faire ça. T'es fin. Je sais. Ensuite, on va parler un petit peu de choses que j'ai trouvées sur Internet cette semaine. On commence par Google Talk, qui a une nouvelle interface. Ben, une interface un petit peu remaniée, si on veut. C'est que maintenant, tu peux avoir des photos, comme dans MSN. Pas copié du tout, là. Mais tu peux avoir des photos qui te représentent. Et il y a même des petites cartes de contact. Tu sais, dans MSN, quand tu mets ta main sur un contact, il y a un petit pop-up, là. Ils font la même affaire maintenant dans Google Talk. Donc, ils ont tout copié ça. Il y a des pop-up quand tu mets ta main sur un contact. Différents thèmes visuels avec différentes façons d'afficher vos chats. Les alertes ont maintenant un bouton pour les fermer parce qu'avant, tu pouvais pas fermer. Il fallait que tu cliques droit. En tout cas, peu importe. Et puis, tu peux maintenant classer tes contacts par ordre de nom. Mais est-ce qu'il y a bien du monde qui download ça pour Il y a... Attends que je compte. Personne n'utilise ça. Moi, je connais personne. Personne du tout. Mais en même temps, ça sert de un petit peu plus maintenant qu'il est disponible sur Google Mail, sur Gmail. Tu peux chatter directement dans l'interface de Gmail. avec Gmail Plus Talk. Donc, ouais, ça sert un petit peu plus depuis ce temps-là. Tu peux te chatter en direct sur ton email. Donc, MSN est tellement intégré. Au Canada. Aux États-Unis, c'est, mettons, AOL puis Yahoo. Ah oui? En Europe, c'est d'autres affaires. Je pense que CQ est encore populaire dans certaines parties du monde. Puis, C'est pété quand même. Hein? C'est pété que chaque marché a son propre chat, on dirait. On va passer plus rapidement sur les derniers. T'es en train de dire qu'on était encore une société distincte? Non, je suis en train de dire qu'on est plus... ouais, c'est ça. C'est ça. VisiCalc, qui est une calculatrice rétro. Donc, c'est un vrai logiciel qui existait pour vrai. Dan Bricklin, l'inventeur du spreadsheet, a reçu la permission de Lotus, qui est maintenant propriétaire du copyright de VisiCalc. Et bien maintenant, VisiCalc est permis. Il est publié sur le site web gratuitement. Donc, vous pouvez vraiment télécharger le logiciel rétro. C'est quand même très, très cool. Allez voir ça. Et puis, on va sauter par-dessus quelques affaires. Ça, c'est pas important. Calcr, calcr.com, qui est une calculatrice en ligne, celle-là. Ah, c'est un logiciel que tu télécharges. C'est vraiment une calculatrice presque complète. Tu peux faire ce que tu veux. Et dessus, ils t'offrent même une genre de fonction, pas feuille, mais tu sais, quand t'as une calculatrice à retour, là, puis okay, ça fait une feuille qui sort, là, c'est qu'il va garder comme pas en mémoire, mais il va te montrer. Il fait un presse-papier. Les opérations que t'as fait avant, si on veut. Ben oui. Donc, ben, c'est logique. C'est magnifique! C'est fin, ce gars-là. C'est beau! C'est le fun. Ceux qui aiment faire des recherches sur YouTube, tu sais, le site web de vidéo qui fait le tour de la planète tout le temps, il y a maintenant Google, Q-O-O-Q-L-E.com. Et c'est quoi? C'est un service qui vous permet de... Pas .com, pardon, c'est .jp. Vidéo.google.jp qui vous permet de chercher les vidéos de YouTube avec des mots-clés, mais ce qu'il donne, c'est des screenshots qui apparaissent sans que tu rafraîchisses la page. Contrairement à YouTube, qui est vraiment un système là, de grosse recherche, là, Google, c'est vraiment juste, la page est là, tu cherches, puis ça apparaît instantanément sur la page, c'est génial. C'est le fun. Mais ça, c'est qui développe ça? C'est Google, c'est vraiment eux autres, c'est une compagnie japonaise. Ben, c'est écrit comme Google. Ouais, je sais, mais c'est parce qu'ils ont juste copié le logo de Google. C'est vraiment... Ils vont devoir le changer un jour, sûrement. Ça n'a même pas de bon sens. Non, c'est vrai. C'est Google. Ben, moi aussi, c'est ça. Au début, je me disais que ça devait être Google. Il y a même un petit exemple. Ben, évidemment, les recherches les plus récentes vont toujours inclure au moins les mots sexe, pussy, hot girl, etc., etc. Mais mettons qu'on prend Windows XP, tu cherches, la vidéo apparaît en temps réel dans la page sans recharger. Ah, et là, tu bon. Peux cliquer sur la vidéo et la vidéo joue dans un pop-up. C'est ça qui est différent. Au lieu d'avoir la vidéo qui joue dans la page en tant que telle sur YouTube, c'est un pop-up, ce qui est vraiment pratique. En tout cas, allez voir Google.jp, Q-O-O-Q-L-E.jp. Il y a un nouveau site web qui vient de sortir qui s'appelle iSpot. Michael Robertson qui a annoncé il y a quelques semaines qu'il allait créer un nouveau logiciel Ajax par semaine, chaque mercredi. Il y a eu Ajax Write, il y a eu Ajax Sketch qui étaient des clones de Word et de PowerPoint. Cette semaine, c'est iSpot qui est un logiciel d'édition vidéo en ligne. Dur à croire. Quand même. Donc, allez voir le ajaxlaunch.com et ça s'appelle iSpot. Je ne l'ai pas essayé, mais ça vaut la peine d'être essayé. À ce qui paraît, c'est très, très basic, mais c'est quand même pas mal cool. Vous pouvez prendre différentes vidéos. Il y a un aspect social. Si on veut, tu peux prendre différentes vidéos, par exemple, sur YouTube et les coller ensemble, les remixer, faire ton propre vidéo. C'est quand même pas mal cool. Donc, iSpot. Merveilleux. Ben, je pense que c'est pas mal tout. On a aussi notre Fire 2, qui est un moniteur de différents courriels. Tu peux savoir par pop-up quel courriel tu viens de recevoir sur tous tes courriels. Par exemple, Gmail, Hotmail, Yahoo et plusieurs autres. Donc, il y a un pop-up qui apparaît en bas qui dit que t'as des nouveaux courriels. C'est le fun. Il réunit tous les... C'est ça. Ça réunit en une seule interface tous vos courriels. Moi, je trouve que c'est bien. C'est le fun. Ouais, Canada uni. Ouais, en effet. C'est ce que je croyais, moi aussi. Et puis, ben tiens, on va tout de suite y aller avec ma critique sur Nintendo DS. Comme ça, on va pouvoir faire d'autres choses après. Puis comme ça, on va pouvoir juger le temps qui nous reste. Donc, on y va avec la critique sur Nintendo DS. Donc, bonjour Mathieu Plante. Bonjour Mathieu. Ça va? Cette semaine, je vous parle du jeu Tetris DS sur Nintendo DS. Je me rappelle des souvenirs du temps qu'on faisait des critiques dans ces missions-là. Ça arrivait une fois de temps en temps. Peux-tu passer la boîte? Merci beaucoup. Donc, Tetris DS qui est sorti très récemment sur Nintendo DS. Nouveau jeu de Tetris, il fallait s'y attendre à ce que ça sorte sur Nintendo DS. Il y en a eu tellement de différentes moutures sur toutes les consoles imaginables, même sur Internet, gratuitement, tu peux jouer à Tetris si tu veux. Donc, il faut vraiment vouloir pour payer pour Tetris. Hein? Donc, ben oui. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Évidemment, pour réussir à vendre leur jeu et faire payer les gens pour la console, il fallait mettre quelque chose de nouveau dedans. Donc, il y a 6 modes de jeu dans Tetris DS. Et je vais vous les faire voir un après l'autre. Ah, j'arrivais ça pour pouvoir vous faire entendre le son. Si on baisse ça, On va voir si la musique s'entend bien. Vous voyez que c'est de la musique remixée de tous les jeux de Mario. C'est que chaque mode est associé à un personnage de Nintendo. Fallait s'y attendre encore là, capitaliser sur la popularité de choses comme Link, Metroid et Mario. Donc, il y a plusieurs modes. Le mode simple joueur pour une seule personne, les modes multijoueurs, les modes Wi-Fi qui se jouent sur Internet. Si vous avez un réseau à la maison et que votre signal se propage, vous pouvez jouer sur Internet avec les gens. Bonne idée, ça? Ben oui, c'est super. Un peu comme Metroid. Oui, j'ai essayé en plus Metroid. Je l'ai testé avec mon frère et c'est super. Ton frère, ce serait pas le genre de gars qui viendrait en parler à l'émission? Ce serait pas vrai, ça? Il aimerait ça. Mais ce qui est intéressant pour les gens qui n'ont jamais fait ça, c'est que il reconnaît automatiquement l'autre DS, puis c'est écrit genre un autre joueur en, je sais pas moi, en Wi-Fi. Je sais plus comment c'est écrit, mais c'est écrit download. Okay. Ben, c'est ça. Tu peux jouer avec une seule carte de jeu à plusieurs. C'est ça. Puis là, tu télécharges le jeu. C'est moi, magnifique. J'ai joué à Worms avec mon frère, puis à Metroid, et c'est ça. Je téléchargeais le jeu, puis on jouait. C'est le fun. C'est beau à voir. Ben, j'aurais aimé ça avoir, mettons, 10 ans. 10. Tu sais, tu comprends? J'aurais trippé. J'aurais vraiment été excité pas mal fort. Il y a pas beaucoup d'options dans le jeu, dans le sens d'options que tu peux changer. Les seules options, c'est est-ce que tu veux pouvoir faire un hard drop, c'est-à-dire appuyer sur la touche la flèche d'en haut pour que la pièce tombe d'un coup sec vers le bas. Est-ce que tu veux ou pas ça? Est-ce que tu veux la pièce fantôme? Parce que depuis Tetris sur Game Boy Advance, tu peux avoir une petite pièce fantôme qui apparaît en bas de l'écran et qui va te dire où va tomber ta pièce quand tu vas la lâcher. Ce qui est un petit peu de la triche, c'est un petit peu plate, parce que dans le fond, quand tu joues à Tetris très très souvent, tu sais où qu'elle va tomber. Si t'es bon, tu sais, il y a comme quoi 10 cases de gauche à droite, c'est super facile de savoir où elle va tomber. En tout cas, et il y a aussi la musique, il y a un genre de comment dire, tu sais, la machine, là. Un jukebox de toute la musique du jeu. DJ Shadow, y est-tu là-dedans? Non, il est pas là-dedans. Tu peux aussi garder tes records. C'est quelque chose de fun parce que la version Game Boy Advance de Tetris Worlds, qui est absolument mauvaise et médiocre, n'avait même pas de fonction meilleur score. Qui était plutôt poche, je ne peux même pas sauvegarder. C'était un des pires Tetris qui a été fait, c'est bien Tetris Worlds sur le Game Boy Advance. Pire jeu à vie. Donc, les modes multijoueurs, évidemment, j'ai pas pu les essayer parce que j'ai qu'un seul jeu et pas d'amis. Non, c'est pas vrai. J'ai juste pas eu le temps de l'essayer, c'est pas vrai du tout. Donc, on va commencer par le mode standard. On va faire le tour des 6 modes de jeu. Le mode standard, c'est que tu fais, tu bouges et tu fais tourner les tétriminos. Les tétriminos, c'est à les formes. Et tu dois évidemment juste les placer comme dans le Tetris normal. C'est absolument rien d'original là-dessus. C'est justement ce qui est le fun. T'as une version normale du jeu. La version normale du jeu, c'est avec Mario. Okay, donc le personnage vedette, c'est Mario. Tu vois sur l'écran du bas tes pièces qui tombent et un personnage qui tourne. C'est vraiment, c'est bizarre. Il fait ça dans chaque mode. Il y a comme un personnage en 2D, en 8 bits, là, avec des très, très, très Nintendo original, qui tourne, qui fait juste des formes comme ça. En tout cas, c'est bizarre. Et sur l'écran du haut, tu vois Mario sur un fond de vrais paysages, des vraies photos, en tout cas, à ce que je sache, qui fait un tableau le tableau 1.1 de Mario Bros. Sur le Nintendo original. Donc, c'est juste lui en train d'avancer. Des fois, il arrête, des fois, il recule. Ce genre de choses là, et quand t'arrives à la fin, ben il arrive au drapeau, puis ce qui est bizarre, c'est qu'il saute même pas sur le drapeau, je comprends pas trop. Donne-moi là, faut que j'aille la machine pour pouvoir faire le reste de ma critique. David, c'est intéressant, David. Parce que ça ressemble au classique. C'est vrai, non, c'est super beau quand tu le regardes en haut là. J'aimerais quasiment ça qu'ils ressortent tous les Mario sur une seule cassette sur DS. Ça vendrait, ce serait magnifique, j'adorerais ça, mais ils feraient moins d'argent qu'en faisant jeu par jeu comme ils ont fait avec Game Boy Advance, ce qui me fait un petit peu chier d'ailleurs, mais bon. Donc, je vais sortir de ce jeu-là. Il y a différentes variations du mode classique. Tu peux commencer au niveau que tu veux, évidemment, entre le niveau 1 et le niveau 15. Ça, c'est le tel mode marathon. Est-ce que vous avez ce qu'il faut pour clairer 200 lignes? C'est le seul et unique but du mode marathon. Tu avances d'un niveau à chaque fois que tu claires 10 lignes. Il y a le mode line clear, où tu choisis le niveau et la hauteur de départ. Ensuite, tu te batailles avec le jeu pour avoir le plus de points possible en clairant le nombre de lignes spécifiées dans l'écran. Plus haut est ton niveau et plus haute est la hauteur, plus ça va être difficile. Et plus tu prends des défis difficiles, plus ça te donne de points. Et les points, évidemment, servent à débarrer différents modes de jeu. Dans le jeu, c'est magnifique. Ensuite, versus computer, c'est évidemment le mode contre l'ordinateur. Si vous voulez jouer en mode simple joueur, si vous n'avez pas d'amis, comme je disais tantôt, et que vous voulez vraiment jouer à multijoueur quand même, vous pouvez jouer contre l'ordinateur. Si tu claires deux lignes ou plus à la fois, tu vas domper des nouveaux, j'arrête pas de parler en anglais, tu vas domper des nouveaux blocs du côté de ton écran, de l'écran de ton ennemi. Donc, il y a des lignes qui vont apparaître en bas, ce qui va rendre le jeu plus difficile et qui va peut-être vous faire gagner. Ensuite, t'as le mode, toujours dans le mode standard, t'as un mode d'instruction. Ça, c'est le fun parce que ceux qui savent pas jouer à Tetris, peuvent avoir une petite introduction vidéo. Il y a des gens qui sont nés après 1995. Il y a des gens qui ont 10 ans aujourd'hui, tu sais. Dans le mode push, le deuxième mode, donc après le mode standard, c'est le mode push. Donc l'idée, je vais juste démarrer une partie, ça va être beaucoup plus facile à l'expliquer si je démarre la partie comme ça. C'est un jeu basé sur Donkey Kong, celui-là. Donc il y a Mario aussi. Mario était dans Donkey Kong, on s'en rappelle, c'est lui qui essayait de sauver sa petite copine des mains de Donkey Kong. Je me trompe de jeu. L'idée, c'est que au centre de l'écran, t'as quelques blocs de placés. Il me semble qu'il y en a juste un en plein milieu des deux écrans, parce que là, c'est vraiment un mode qui continue du haut au bas des deux écrans. Complètement, ça prend tous les deux écrans au complet. Donc, l'ennemi est en bas, toi, t'es en haut. Vous faites tomber des blocs. Le but, c'est d'éclairer plusieurs lignes à la fois. Et quand tu éclaires plusieurs lignes à la fois, tout le bloc descend d'un cran. Et là, il faut que tu essaies de descendre tout ce cran, tout le bloc de blocs jusqu'à ton ennemi. Et là, tu gagnes. Puis si lui réussit, ben c'est lui qui gagne, tu vois. Donc, si tu fais juste une ligne, ça marche pas. Faut que tu fasses plusieurs lignes à la fois. Puis là, boing, ça fait descendre ton bloc. Ça, en multiplayer, c'est malade en multijoueur. Ouais. Je suis sûr que ça doit être malade au bout. J'aime vraiment ce mode de jeu-là. C'est un des modes les plus originaux du jeu, mais ils sont pas mal tout originales de leur propre façon. Donc évidemment, dans ce cas-là aussi, t'as un mode comment jouer. C'est des mini-games, ça, dans le fond. Ben, sont pas mini, sont tellement bien faits et ils ressemblent tellement à un nouveau jeu totalement de Tetris que ça devient quasiment un jeu en lui-même. C'est comme avoir 6 jeux différents. T'aimes ça, toi, un Tetris? Ben, hein? J'aime vraiment ça. Puis chacun des modes de jeu, je les trouve vraiment bien pensés. Dont celui-là qui s'appelle le mode Touch, qui est un petit peu différent. T'as le mode Tower et le mode Touch Puzzle. Les deux se ressemblent un petit peu, mais l'idée, c'est que c'est le seul jeu qui se joue avec le stylet. Donc, il prend avantage du stylet de Nintendo DS. Ça se passe dans un mode de comment ça s'appelle le jeu avec des ballons, là? Fait que tu pètes des ballons, Balloon Fight. Balloon Fight, exactement. Donc, l'idée, c'est que l'écran, encore une fois, est séparé sur les deux écrans. Donc, c'est vraiment une seule longue écran. Et là, tu prends ton stylet pour prendre les blocs et les draguer. C'est très, très difficile à l'expliquer à l'écran. C'est un petit peu gamique. Mais aussi, tu peux double-cliquer sur chacun des blocs pour les faire virer de bord. Parce que c'est très... C'est spécial. Moi, je trouve que c'est rempli d'imagination, ce jeu-là. C'est un des modes les plus imaginatifs. Mais en même temps, il est très, très gamique. Mais il est le fun aussi. Il est très, très beau, d'ailleurs. Donc, il est basé sur Balloon Fight. Donc, tu vois des petits ballons avec des ballons qui se promènent partout dans l'écran. Très, très bon mode. Je l'aime bien. C'est le mode Touch dans Tetris DS. Le mode Tower, je vais essayer de sortir de cet écran-là, je vais l'avoir un jour, voilà. Le mode Touch Puzzle, lui, c'est que tu dois regarder les instructions à l'écran, c'est vraiment des puzzles, celui-là. Tu dois regarder les instructions à l'écran et utiliser seulement les blocs que t'as pour résoudre un puzzle. Plus difficile, je l'ai pas essayé, celui-là, je pense. Je regarde ça, puis je pense que je l'ai même pas encore essayé. Le mode Puzzle, un de mes préférés, encore une fois, celui-là, je suis rendu au niveau 39 tellement que j'ai avancé très, très, très rapidement. C'est un mode basé sur Yoshi's Cookie, qui était un puzzle avec Yoshi et Mario dans le temps sur NES, sur Super Nintendo. Donc, sur l'écran du haut, on te montre... Là, celui-là ne bouge pas. C'est un mode très, très slow motion de jeu. C'est un puzzle qu'il faut vraiment penser. Donc, en haut, tu as un écran rempli de blocs de différentes couleurs avec des trous. En bas de l'écran, on te montre plusieurs différents blocs. Et quand tu cliques sur un bloc, tu peux choisir dans quelle orientation tu veux le placer. Là, c'est vraiment, c'est pas toi qui le place, c'est la machine qui va décider où elle le place. Donc, toi, tu choisis vraiment quelle forme tu veux prendre, de quel côté tu veux la mettre. Et là, ça va l'envoyer dans l'écran du haut. Et il faut que tu réussisses à remplir l'écran et éclairer toutes les lignes. C'est extrêmement difficile. Les premiers tableaux ont l'air vraiment faciles. Après ça, tu te rends compte que c'est pas un jeu que tu joues de même là, puis que tu t'amuses, puis ah, niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4, puis ça continue puis trop facile. Non, je me suis rendu au niveau 39 en plusieurs heures. C'est très, très difficile. Donc, en tout cas, c'est basé sur Yoshi's Cookie et c'est vraiment le mode le plus fascinant dans sa façon de faire. C'est pas très, très Tetris. Même si ça porte le nom de Tetris, ça ressemble pas à un jeu de Tetris, mais c'est quand même très très bon. Et le dernier mode, c'est le... Non, je crois qu'il en reste deux. On va aller plus rapidement sur le mode mission. Il y a un mode marathon et time trial, donc timer dans le mode mission. Tu commences au niveau que tu veux. L'idée, c'est qu'en plein milieu de... C'est aussi un puzzle où il faut pas penser. Celui-là, il est plus rapide. Regardez bien ce que ça dit en haut de l'écran. Ça dit il faut éclairer deux lignes en même temps. Donc, ce que tu dois faire, c'est que le plus rapidement possible, dans l'écran du bas, faut que tu réussisses à faire un combo de deux lignes. Là, des fois, ils vont te dire, bon, il faut que tu prennes la forme zigzag rouge pour pour éclairer deux lignes en même temps. Donc, ça veut dire qu'il faut que tu te mettes en réserve cette pièce-là pour réussir à accomplir la tâche qu'on te donne. C'est basé sur Zelda. Donc, tu vois le personnage de Link, des chutes, des paysages de cave, etc., etc. Donc, je trouve que ça, c'est bien, mais c'est... comment dire, un petit peu ennuyant, ça vient plate à la longue. Et puis tu peux pas tu peux commencer au niveau que tu veux, mais c'est pas des puzzles comme dans le mode puzzle, dans le sens que tu peux pas juste clairer puzzle après puzzle puis ensuite recommencer là, puis il va tout le temps y avoir des nouveaux puzzles à la place, c'est que ça va être tout le temps les mêmes affaires qui vont se présenter. C'est ça qui est un petit peu plate. Celle-là ici. Ah tiens, beaucoup mieux. Mon fond, en tout cas, c'est pas grave. Donc ça, c'est le mode mission. Et il reste le mode catch. Lui, c'est le mode le plus difficile. C'est le mode qui m'intéresse un petit peu le moins. Il est basé sur Metroid, la série Metroid. Vous la connaissez, vous l'aimez. On commence avec un petit bloc de en forme de croix. Donc c'est cinq différents petits blocs. Il y a des blocs qui tombent d'en haut et des bibittes qui se rajoutent à ça à un moment donné. Au début, il n'y en a pas trop. Donc l'idée, c'est que tu dois faire un bloc de 4x4. Bloc de Tetris, évidemment, des Tetriminos, en faisant virer ta forme. Donc, tes boutons Y, X, A et B, ça va faire virer ça des deux sens. Et aussi que tu fais un carré de 4x4, tu as le droit soit de l'activer par toi-même avec le bouton X, ou encore d'attendre qu'il se détonne par lui-même après 10 secondes. Ce que ça va faire, c'est que ça va prendre tout le champ qu'il y a à gauche, à droite, en haut et en bas, dans le sens de la croix. Et ça va détruire les ennemis qui sont autour de toi. Et dans le fond, c'est juste ça, c'est d'essayer de faire des blocs de carré le plus gros possible pour détruire le plus de choses possibles autour de toi. Donc c'est le mode Metroid. Moi je trouve que c'est un petit peu moins intéressant, comme moi je trouve pas ça si le fun que ça. Tu vois, il y a deux carrés verts autour de ta forme en croix pour te dire combien de large il faut que tu essaies d'accomplir. En tout cas, moi je trouve ça un petit peu plate comme mode, c'est vraiment pas mon préféré. Je dirais que mes deux préférés sont Touch. J'irais peut-être en premier avec le mode puzzle, ensuite push, ensuite touch, ensuite mission et ensuite catch. Mission parce qu'il est un petit peu trop répétitif, c'est peut-être les mêmes tâches, pis c'est pas des puzzles définis. Mais vraiment, mon préféré, c'est absolument puzzle. Parce que c'est lui le plus original. Il ressemble peut-être le moins à un Tetris, mais bon, quand même. Et le mode Tetris original est toujours aussi fantastique. Lui n'a pas changé, même si lui est aussi très très répétitif. C'est toujours les mêmes fonds. Donc, tu vas commencer avec le niveau 1 de Mario Bros 1, ensuite, il va faire le niveau 2. Ensuite, il va sauter au premier tableau de Mario Bros 3, ce que j'ai trouvé quand même cool. Là, après ça, il commence à faire des tableaux de Balloon Fight, de c'est quoi le jeu avec de la glace? Ice Climbing? Moi, c'est ça, Ice Climber. Il y a un tableau Ice Climber. Mais lui, il faut que tu te rendes vraiment loin pour réussir à arriver là, parce qu'à un moment donné, il commence à juste répéter les mêmes fonds. Puis là, quand tu débloques, puis tu commences à y aller vraiment loin, il te met des tableaux d'Ice Climber, puis des affaires comme ça. C'est le fun des tableaux de Donkey Kong, des tableaux de Zelda, évidemment. C'est un fond que tu parles. C'est juste dans l'écran du haut, celui qui a de l'animation qui joue à non-stop. Okay. L'écran du bas, lui, il va afficher des fonds, par exemple, du kaki ou des caves ou des affaires comme ça, puis ça va juste bouger en fait bas. En fait, la clientèle cible, c'est les gars de notre âge. Absolument, c'est les gars qui les oui, les sont gars là entre depuis 84, mettons. Ouais, ceux qui aiment Nintendo, qui aiment toute leur franchise, puis que qui sont fanatiques de Nintendo, c'est pour vous autres. Je dirais pas que ce serait un jeu pour enfants, parce que à part le mode Tetris, le reste sont quand même assez difficiles. C'est des modes qu'il faut quand même que tu réfléchisses puis tu saches ce que tu fais. Mais d'avoir des images, des fonds de Metroid 1 au Nintendo, ça dit pas grand chose à tout le monde. Non, c'est ça. C'est moi, je l'ai vu en noir et blanc quand j'étais jeune. Mmh. Mais ils ont sorti sur Game Boy, donc au moins ça a eu un nouveau public depuis qu'ils ont sorti sur Game Boy. Ouais. En tout cas, donc ça s'appelle Tetris DS. C'est sur Nintendo DS, c'est sorti très récemment. Je vais faire le résumé dans quelques minutes. Je peux réussir à trouver la page que j'ai oublié de charger sur Metacritic. Mais d'ici à la semaine prochaine, évidemment, on va avoir d'autres grosses nouvelles. Vous avez remarqué que Danny Janvier n'est plus là. Pourquoi? Ben parce qu'il est parti. Mais on le retrouve quand même à la chance au courant. L'émission de nouveautés musicales, ça se passe les vendredis à 11h, en rediffusion les mardis à 13h. Et on le retrouve évidemment dans l'émission de Techno 3, les jeux de soir, à 21h. Ça va être à peu près ça. Toi, évidemment, David Leblanc, on te retrouve toujours à l'émission Funky Touch. Yes, sir! Les jeux de soir à 18h. C'est fin. C'est vrai. Et puis moi, ben, je vous retrouve encore une fois dans la chanson coureur et dans les palmarès, c'est fou, ça se passe les vendredis soirs à 17h. Ceux qui écoutent le jeudi, restez là pour la rediffusion de Pure Land, ça commence dans quelques minutes. Si vous écoutez le mardi, restez là pour Vis-à-vis, l'émission de débat sur les enjeux sociaux, ça commence à 12h10 après les nouvelles de Radio-Canada. Et là, j'ai vraiment réussi à trouver le résumé de Tetris DS, donc on y va avec ça. Tetris DS, c'est sorti le 20 mars 2006 sur Nintendo DS, selon 27 critiques reconnues internationalement, dont GamePro, Nintendo Power et MyGamer. Yeah. Le score est généralement favorable à 86 sur 100, et selon 5 votes de la communauté, 92 sur 100. Et sa note finale, ça a été édité par Nintendo, développé par Nintendo dans le genre puzzle pour 10 joueurs, donc sur Internet. C'est la cote du SRB et de E pour tous. Et encore une fois, c'est sorti le 20 mars 2006. Donc, très bon jeu. Tetris DS. C'est très difficile de dominer ce marché-là, hein? c'est pas facile. T'sais. C'est vrai? Oui, non, mais c'est vrai. Avec le 3D là, qui existe. Puis, C'est pas pour tout le monde, les puzzles, mais il y a un public qui va rester là pour ça. Comme il va y avoir toujours du public pour les jeux 2D, les jeux de plateforme et tous les jeux sur Game Boy Advance et Nintendo DS. J'en fais partie. Moi aussi. On doit se quitter comme ça, il nous reste 5 secondes, donc David Leblanc, merci. Vous à la maison, faites attention à vos genoux, mon Mathieu Plante, bonne journée et bonne chance. Vous êtes beau. Ah!